rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel, belle journée et bon réveil sur le 96.2 FM. Heureux de vous retrouver, c'est Francky dans la radio. Merci d'être aussi nombreux tous les matins à nous rejoindre. Coucou à notre ami José qui est déjà levé, qui va au boulot ce matin. Bah ouais, pas facile, hein. Ça va côté météo, on est plutôt pas mal. On fera un petit point tout à l'heure. Et puis notre invité aujourd'hui, un peu plus tôt que prévu, 7h20, ça sera Clément Joubert, The Maestro. L'homme orchestre sera dans les cieux de la radio arc-en-ciel. Eh oui, l'opéra, la fabrique opéra Val-de-Loire, dans les studios, va nous parler un petit peu de son métier, de cette passion qu'on adore, que vous adorez aussi de l'autre côté de la radio. En tout cas, on en saura plus tout à l'heure, aux alentours de 7h20 en direct sur le 96.2 FM. Heureux de vous retrouver avec Dido pour bien démarrer. Je vous ai mis le meilleur de Dido, réuni sur un seul morceau. Belle journée et bon réveil.

7h12 sur l'arc-en-ciel, le meilleur de la musique. Ça, c'est pour bien vous réveiller avec des voix en or ce matin. Coucou à Manuela, qui est connectée du côté d'Olivier. Salut Francky, belle journée. Je suis déjà au boulot depuis 6h15. Ah ouais, il y en a qui bossent de bonne heure. Histoire de vous détendre un petit peu ce matin avant le maestro. 7h20, il sera notre invité. 7h30, Clément Joubert. On sera avec lui dans les coulisses, justement. More and more ways. That super world of my home. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Quelle voix, 7h15 en direct à la radio Arc-en-Ciel. Heureux d'être avec vous, Clément Joubert qui vient d'arriver dans les sous de la radio, de bonne heure aujourd'hui, bah ouais, hein, de bonne humeur, il est là. Et ça me fait plaisir de l'accueillir dans moins de 5 minutes en direct de Maestro, le chef d'orchestre, à prendre les commandes de la radio. Pourquoi pas, il va nous mener à la baguette ce matin. Il arrive dans 5 minutes, juste après la petite pause café, entre nous, tranquille. Louis Bertignac et les visiteurs reformés juste après le groupe Téléphone. Ces idées-là, belle journée et bon réveil sur le 96.2 FM. Demande, tu peux bien aller. Radio Arc-en-Ciel en direct, 7h20, notre invité qui arrive. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour. Ah, je vous mets dans l'ambiance tout de suite. Ah, c'est le même, hein. Sympa, hein. Clément Joubert qui est notre invité ce matin. The Maestro, on dit maestro, chef d'orchestre, on dit comment Clément? On dit Clément. Clément, ouais. Chef d'orchestre, ça te va aussi? Oui, non. Oui, ça me va. Oui. Maestro, c'est une appellation, ça se dit pourquoi maestro? Ça se disait à une époque, ça, ouais. C'était le maître, c'était celui qui décidait. Aujourd'hui, le chef, c'est moins devenu cette superstar ouais. Que c'était à une époque. Aujourd'hui, on est plus gestionnaire que des fois que... Enfin, non, j'exagère, mais... Ouais. mais le full credit pour les chefs d'orchestre, c'est fini, bien entendu. Heureusement, on évolue aussi. Hein, bien et c'est bien d'évoluer. C'est Stromae qui s'appelle Maestro à l'envers. Hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Nombreux prix pour toi, flûte, piano, direction d'orchestre, musique de chambre. Alors, musique de chambre, c'est quoi? C'est, c'est de l'orchestre, mais qui n'est pas dirigé. Il n'y a pas besoin de chef d'orchestre. Ah, c'est jusqu'à 10 personnes, jusqu'au Dixtuor. C'est des duos, des trios. C'est à partir de 2 jusqu'à 10. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de chef d'orchestre. Et c'est du travail de musique qu'on faisait à la chambre du roi, en fait. Avant de parler de l'Opéra Fabrique d'Orléans, Centre-Val-de-Loire, on va parler de toi aujourd'hui, Clément. Comment on arrive à être chef d'orchestre? C'est quoi? C'était une passion quand tu étais tout petit? Ou alors vraiment tu voulais Oh non, tout petit, c'était pas du tout une passion. Ma famille est musicienne. Mon papa était directeur du conservatoire. Ma maman était professeur de solfège. Ah oui. Et donc tout le monde est passé à l'école avec la flûte. On se souvient, fallait boucher le trou sous le dessous et puis avec les doigts après on essayait de faire de la musique. Ben en fait j'ai fait de la musique sans m'en rendre compte parce que j'allais au conservatoire comme si c'était chez moi. Donc j'ai fait de la musique comme une évidence. Et puis au moment où j'ai compris qu'en fait il y a plein d'autres enfants qui faisaient pas de musique vers 12 ans, 13 ans, j'ai dit moi je vais arrêter. Hein, ah oui, évidemment. Carrément. Ouais. Et ma maman m'a dit bon, on verra à la fin de l'année. Mais à la fin de l'année il y a tous les concerts, il y a le plaisir, etc. Enfin c'est et donc j'ai continué. Les plus grands font appel à toi. Hein, l'orchestre philharmonique de Radio France, j'en passe, il y en a tellement. Oui, comment on fait appel à toi? On passe un coup de téléphone, tiens, viens faire des arrangements pour. Oui, c'est à peu près comme ça. Ouais. Bien sûr. Après, c'est des connaissances, et c'est comme ça qu'on se fait un réseau de gens qui nous apprécient et puis qui connaissent nos compétences, qui connaissent nos capacités aussi, et puis ce qu'on nos limites. Donc c'est comme ça qu'on m'appelle ou qu'on m'appelle pas d'ailleurs. T'es un personnage tout public. Oui, tu ne vises pas, tu cibles pas. Non, j'aime ça, apporter la musique qui paraît complexe le plus facilement possible. J'aime ça, oui. C'est un peu un challenge que j'ai depuis 25 ans, en fait, 27 ans depuis que j'enseigne. 27 ans. Voilà, donc j'aime bien expliquer que la musique, si on l'apprend d'une autre manière, en fait, elle paraît évidente. Mais il faut en effet avoir quelqu'un qui fait cette médiation pour pouvoir la comprendre. Parce que aujourd'hui, un titre de radio, c'est 2 minutes 50, 3 minutes 15 maximum. Oui, c'est ça, voilà, radio édite, comme on dit. C'est ça. Et on est totalement formaté avec ça. Nous, en musique classique, des fois, c'est 8 minutes, 12 minutes, 15 minutes de musique. Donc, aujourd'hui, que les gens puissent se poser 15 minutes pour pouvoir se laisser emmener pendant 15 minutes dans une histoire, peut-être que ça nécessite en effet qu'on l'explique. C'est de la concentration quand on raconte une histoire avec la baguette, emmener tout un peuple avec toi. Ouais. Oui, mais la musique en fait c'est universel, on le dit souvent et c'est vrai. C'est vrai, et puis je fais ça depuis que je suis né, donc j'ai l'impression que c'est assez facile pour moi de raconter la musique. C'est plus difficile pour moi de raconter une histoire avec le football parce que je suis moins sportif. Moins sportif, c'est ça. Tu mènes les joueurs à la baguette, c'est ce qu'on dit. Mais à ta manière, à ta façon, aujourd'hui quels sont tes meilleurs souvenirs? Il doit y en avoir après, comme tu me dis, depuis tout petit. Les meilleurs moments que tu as dû passer Mes meilleurs moments, c'est en 2015, parce que c'est la première production de la Fabrique Opéra, et c'est vrai que cette association m'a changé un peu ma vie. Et puis, cette même année, on avait fait avec le Conservatoire d'Orléans le Dialogue des Carmélites de Poulenc, c'est un opéra avec les élèves, et c'est un opéra que j'adore depuis que j'ai 14 ans, parce que je l'ai joué quand j'avais 14 ans, et ça m'a bouleversé depuis l'âge de 14 ans, c'est pour ça que j'ai pas voulu arrêter la musique. musique, parce que j'ai compris que la musique, ça pouvait m'apporter beaucoup plus de choses. Ah ouais, énormément des émotions, des rencontres, des fêtes entre copains, mais aussi, ouais, juste une émotion qui part du ventre et qui monte. C'est absolument incroyable. Donc 2015, c'est une année un peu forte, ouais, très forte. Après le jour de mes 20 ans, en 96, quand j'ai dirigé pour la première fois, c'est vrai que c'est impressionnant. Quand on te dit, vas-y, c'est à toi de jouer, là. La baguette, c'est quoi l'émotion qui règne en toi? Le stress est là ou pas? Ou alors, oui, tu fais le vide, ouais. Non, la première fois que j'ai dirigé, je me sentais pas du tout légitime. Heureusement, c'était des amis au conservatoire de Boulogne-Billancourt qui étaient dans l'orchestre, et celui qui m'avait proposé de diriger, c'est Gilles Dassarnois, avec qui on a fait toutes nos études, c'est un copain, et qui joue en soliste. Et donc le soliste, on se connaissait par cœur. Les copains, on faisait la chouille à peu près toute l'année. Donc en fait, c'était c'est plus facile, on va dire. Oui, c'était des conditions idéales pour commencer et pour avoir le droit de se tromper, parce que je savais que les copains allaient m'aider. Mmh. Personne n'allait faire en sorte que ça foire. Ça se passe mal. Ouais. C'était quand même un très bon moment, même si non, je me sentais pas du tout légitime. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que on est légitime à faire ce métier-là si on en a les compétences, si on travaille. Exactement. Alors maintenant, tu vas comme si tu allais faire les courses un petit peu. Non, toujours pas. Non, j'ai toujours le trac. Le trac toujours, mais c'est affreux. Le côté professionnel est bien ancré maintenant. Oui, bien sûr. C'est que la confiance avec l'orchestre inattendu, elle est là. Je sais que c'est comme à Boulogne-Billancourt il y a en 2096, n'importe quoi, en 1996. 96. Ouais. On est toujours aussi complices. D'ailleurs, le trac, je l'ai juste avant de rentrer sur scène. Quand l'orchestre s'accorde et que je ne suis pas avec eux sur scène, là, le trac, il est au maximum. Et une fois que je rentre sur scène avec eux, j'ai plus le trac, parce que je sais qu'ils sont là et que, en fait, ça va bien se passer parce qu'on a travaillé et puis on a envie que les choses se passent bien. Et ça, c'est une libération formidable qui permet ensuite de faire de la musique dans de bonnes conditions. Oui. Non, c'est un orchestre génial pour ça, où je sais que il faut pas que je me pose la question de est-ce que je mets d'abord le pied droit sur l'estrade, la gauche. Non, je me pose pas ces questions-là. Pas de question. On peut y aller simplement parce qu'on se connaît, parce qu'on se comprend et voilà, parce que c'est un orchestre que j'ai créé à mon image, quoi. Et ça y est, quand tu mènes tout le monde à la baguette, ça arrive que quelqu'un ne suive pas le rythme, ou alors il n'est pas dedans. Comment un chef d'orchestre s'est remarqué, je sais pas, à la flûte, au piano, comment on arrive à lui faire dire que il est pas dedans? Ça arrive ou ça arrive? Oui, bien sûr, c'est d'ailleurs tout mon métier. Pendant les répétitions, je me dis, comment, je me compare toujours à une aiguille du ciel. Mmh. C'est-à-dire que moi, je pilote pas les avions. Les musiciens de l'orchestre, ce sont eux qui pilotent. Mmh. Donc ils savent quoi faire, ils savent comment atterrir, ils savent comment décoller, ils savent dans quel aéroport ils doivent arriver. Enfin, ils savent tout ça. Moi, aiguille du ciel, je suis juste là pour préparer en amont avec eux le plan de vol, pour être sûr qu'ils aient bien compris toutes les règles du jeu. Mmh. Et puis ensuite, je gère simplement les imprévus. Donc s'il y a un avion qui arrive un peu trop tôt ou trop tard, je lui dis juste, attends, regarde, voilà, on va se poser là. Ouais. Vas-y, joue un peu plus fort parce que l'autre avion, du gestuel. C'est ça, j'ai vraiment juste le regard et le geste. C'est ça, exactement. Ouais. Je suis une sorte de danseur. Oh non, faut pas que je dise ça, non. Oh, si tu veux, hein. Danseur, ce serait un peu exagéré, mais il y a une chorégraphie, en fait, qui exprime les émotions. C'est une de belles émotions. Avant de parler de la fabrique Opéra Val-de-Loire, vite fait, on va survoler le Covid, vite fait, parce que bon, c'est pas la meilleure période pour beaucoup de personnes en France, sur la planète, nous aussi. Ça a été compliqué pour vous aussi. Oh, comme tout le monde. Comme tout le monde, d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est de plus pour vous. Ça a été le premier mois extraordinaire, parce que c'était lunaire, quoi. Tout le monde obligé de rester, c'est hallucinant. Ma femme me disait un jour, dire que dans les manuels, ça sera marqué qu'il y avait une pandémie, et on pourra dire, nous on y était. c'est vrai, en fait, il y a un truc on pourra dire à nos petits-enfants, peut-être. Maintenant, on passait ça, on a essayé de faire des vidéos confinées, on s'est bien amusé avec qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, avec le YMCA, donc on a fait 4 ou 5 vidéos avec l'inattendu, où chacun dans sa chambre, mais dès la troisième vidéo, on s'est dit, mais c'est pas ça notre métier, nous c'est de voir les vrais gens, oui. c'est de partager en direct, c'est pas les choses numériques. Bon, bref. Donc, ça a été compliqué. Et puis ensuite, le report de la Traviata, qu'on devait faire en mars 2020, je me souviens. En juin 2020, puis ensuite en octobre 2020, et puis ensuite, etc. Donc, on a réussi à le faire en septembre 2021. Mmh. C'était il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, ouais. Et on a enchaîné, là, avec le nouveau. Après, c'est des surcoûts, ça veut dire qu'on est un peu plus fragile, évidemment, que si on n'avait pas eu ce Covid financièrement, mais on va s'en sortir. On commence à remonter un petit peu, sortir la tête de l'eau, là. Oui, ça fait du bien de revoir du public, de faire plein de conférences. Là, je fais 40 conférences sur West Side Story partout dans la région centre. Enfin, voilà, c'est on en parle de West Side Story. Ça sera au Zénith d'Orléans, 23, 25, 26 et 27 mars prochain. Au Zénith, c'est ça. La Fabrique Opéra Val de Loire. Avant d'attaquer sur West Side Story, c'est quoi la Fabrique Opéra Val de Loire? C'est une association. C'est une association. Loi 1901, à but non lucratif, ça j'y tiens. C'est parce que souvent quand on dit opéra au Zénith, au Zénith, c'est donc forcément. Ah, c'est impressionnant, etc. Ouais. Bon, je roule en Dacia blanche. Hein. Ça marche bien, ça. Hein. je continuerai encore longtemps. Non, l'idée. C'est qu'un opéra, on a l'impression que c'est pour les riches, que c'est pour les vieux, que c'est pour les intellos. C'est ce qu'on se pose comme question. Ouais. C'est compliqué, l'histoire, on ne comprend rien. Et bien, en plus, c'est en italien, en allemand. Donc, il y a une équipe de Grenoble, il y a 16 ans, qui a un peu fait la liste de tout ce qu'on reprochait à l'opéra. Donc, c'est Patrick Souillot et Benjamin Molleron, tous les deux, qui ont imaginé un concept. Et qui l'ont ensuite développé. Le concept, c'est de raconter l'histoire en français, donc sans surtitrage. Le metteur en scène va faire en sorte qu'on raconte l'histoire en français, même si c'est en italien, en allemand, en anglais, en russe. On comprend l'histoire, donc ça passe pour forcément plus vite. On fait des tarifs attractifs à partir de 19 euros. Ouais, c'est alors pas cher. On est, je crois que c'est comme une place de cinéma avec en 3D, je sais pas quoi, ouais, c'est ça, dans ouais. des grandes salles. Donc, alors que nous, on a un vrai 3D. Hop. Un vrai sur place, sur scène. Donc troisième, c'est qu'on le fait dans une salle populaire, c'est le Zénith d'Orléans. Donc c'est la grande musique qu'on amène au grand public dans une salle populaire. Et puis le quatrième. Point, c'est le plus important, c'est qu'il y a 650 jeunes, et moins jeunes d'ailleurs aussi, mais des apprentis et des étudiants en lycée professionnel qui font les décors, les maquillages, les costumes, l'accueil du public, et j'en oublie plein à chaque fois. C'est 650 jeunes de 15 établissements de la région centre qui découvrent l'opéra parce qu'ils le font en fait. Et le fait de faire l'opéra, ça leur devient familier. Les jeunes, c'est bien pour eux. Enfin, ils découvrent peut-être l'opéra parce que l'opéra, tout le monde pense que comme tu dis, c'est vieux. L'opéra, c'est pour les vieux. En parlant avec les artistes, en fait, ils se rendent compte qu'on est des gens normaux. Qu'on parle normalement, qu'on a une vie normale. Donc déjà, ça aide. Et puis ensuite, quand ils voient le spectacle, et comme on leur a expliqué un peu le pourquoi est-ce qu'on chante comme ça, tout à coup, ça leur devient plus familier. Et puis surtout, en fait, pour une fois, le travail qu'ils font, c'est pas simplement pour avoir une note, mais c'est simplement pour que ce soit vu, pour que ce soit joué, pour que ce soit animé devant 14 000 personnes. C'est 1000 personnes et donc c'est pour nous c'est vraiment le fondement de la Fabrique Opéra, c'est de montrer que l'apprentissage, les CFA et les lycées professionnels, en fait il y a des talents là-dedans. C'est pas simplement des gens qui ont raté leurs études comme on entend encore aujourd'hui. C'est affreux d'entendre encore ça. Non, pour les côtoyer depuis 2015, je vois bien ils ont choisi leurs études, il y a ils ont choisi rares. De faire oui c'est ça, même tous en fait ils ont envie de faire ce métier-là, d'être menuisier, d'être métallier, d'être costumier, d'être, enfin, de faire de la couture. Donc, c'est pour nous important de montrer que l'apprentissage c'est vachement important et il y a ils ont de l'or dans les mains, donc autant le montrer à 14 000 personnes. Quoi. C'est clair, 14 000 personnes, ça va être impressionnant quand même. L'opéra dans une si grande salle, l'opéra c'est un peu plus confiné. C'est 4 fois 3000 personnes, mais avec en plus la générale qu'on ouvre aux écoles primaires, aux collèges, et puis aux publics handicapés, aux publics empêchés. C'est la meilleure, pour nous, c'est la meilleure des 5 représentations qu'on fait, parce que cette générale, en fait, le public a pas de filtre. Ouais. Donc ils réagissent au quart de tour sur ce qui se passe sur scène. C'est absolument génial. C'est 3500 enfants qui vivent l'opéra à fond. Ouais. Comme quoi, en fait, l'opéra, c'est que les préjugés, vieillit, ils arrivent après, ils arrivent plus tard. Je sais pas pourquoi, mais tout à coup, on se dit, quand on vieillit, ah non. Et puis après, quand on devient vraiment très vieux, on se dit, ah, en fait, c'est bien. C'est sympa. Il y a toute une période entre 15 et je sais pas, et 45 ans, où on se dit que l'opéra, non, c'est pas pour nous. Bah, nous, on essaye de cibler justement cette nouvelle génération. C'est ça. West Side Story. Ça sera, donc, je vous le disais, le 23, 25 et 26, 27 mars prochain aux Zénith d'Orléans. Oui. L'histoire pour, dégrossir un peu de West Side Story, nous on connaît, mais bon, les jeunes connaissent pas forcément. Bah, c'est Roméo et Juliette de Shakespeare. Voilà, c'est ça. Sauf que c'est transposé à New York en 1950. Il y a un peu de baston là-dedans, hein. Oui, oui, bah, comme dans Shakespeare, hein. Il y a la scène du balcon aussi, il y a le bal, il y a le cousin, bon, là c'est le frère, mais il y a en tout cas un membre de la famille qui meurt au milieu, il y a l'amoureux qui meurt à la fin. Non, c'est vraiment Shakespeare, exactement, transposé, sur fond de problèmes de communautarisme, de racisme, d'acceptation de l'autre, puisque ce sont une population immigrée européenne qui voit arriver des Portoricains sur le sol américain et évidemment dans un même quartier, non, ça bien sûr que ça se passe mal. C'est affreux de dire, hein, bien sûr ça se passe mal, mais en 1950 ça paraissait d'actualité. Ouais, et maintenant, bon. En fait, lutte de gang dans les quartiers et problème de racisme, on en est encore là aujourd'hui, 2022, malheureusement. Ouais, on est toujours là. Tout public, bien sûr. Tout public, bien sûr. Oui, oui. On tient à ce que le spectacle ait plusieurs lectures. Donc, celui qui connaît West Side pourra admirer la version de Gaël Lépingle dans la mise en scène et de Johan Nuss pour le chorégraphe. Et puis ceux qui ne connaissent pas pourront le découvrir aisément, sans crainte. Enfin, voilà. C'est vraiment tout public et on y tient. Non, bien sûr. Ben, on y tient nous aussi à y aller. Mais moi, j'irai certainement. Hein, si vous voulez, avec vos enfants, pourquoi pas à la Fabrique Opéra Val-de-Loire, taper sur le moteur de recherche Google, par exemple, vous allez trouver directement en première page et vous pouvez réserver en ligne. Ça, c'est un bon truc. Ça c'est pas bizarre de dire on peut réserver en ligne aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé avant? Avant, il y avait tellement d'annulations, tellement de choses. Non, ça fait du bien, fait du bien, même si on n'a jamais arrêté nos réservations sur le site, on a toujours le doute de est-ce qu'on va annuler ou pas, et là, ça y est, ça a l'air d'être derrière nous. Et alors, comment on prépare, pour terminer, puis de laisser la parole après, comment ça se prépare, justement, 14 000 personnes, là, Clément Joubert, il va arriver sur scène, il y a, bien sûr, avant, il y a l'entraînement, comme on dit, je sais pas si on dit l'entraînement, il y a les répétitions. En fait, pour créer un opéra comme le nôtre, c'est 2 ans et demi de travail. Oui. À partir du moment où on décide de faire tel titre, il faut que je trouve un metteur en scène avec qui travailler. Et puis on travaille ensuite ensemble sur l'esthétique générale pour qu'on soit d'accord, lui et moi. Et puis ensuite, il y a la scénographie à imaginer. Ça, c'est le travail de Ludovic Meunier. Enfin, pas seulement, parce que Ludovic Meunier, notre scénographe, c'est un pédagogue extraordinaire et il travaille avec le lycée Charles Péguy, les élèves en DNMAD, je sais plus comment on le dit, pardon, qui crée la scénographie. Ça, c'est en février, un an et un mois, avant les représentations. Mmh. Et puis après, à partir de septembre, tous les lycées, costumes commencent à travailler, le chœur commence à travailler aussi, viennent ensuite, alors là, dans le cadre West Side Story, c'est 18 danseurs professionnels ont aussi commencé à travailler en décembre, qu'on avait recruté en avril d'avant. C'est 2 ans de travail. Grosse préparation. Comme on fait un opéra par an, on commence à travailler sur l'opéra alors qu'on n'a pas terminé le précédent. Ouais. Donc c'est un peu, faut se bouger. Et puis ça arrive dans un mois. On est le 22, ça arrive dans un mois. Oui, les solistes et les danseurs, l'orchestre, tout ça, ça commence là. On est en train de travailler avec les danseurs cette semaine. Ils viennent à Orléans vendredi. Puis après, c'est les chanteurs qui arrivent la semaine prochaine. Puis ça va s'accélérer. C'est formidable, c'est génial. Eh bien, merci Clément Joubert d'avoir accepté notre interview radio ce matin en direct sur l'arc-en-ciel. Clément Joubert, merci, chef d'orchestre, de maestro. Oh. Un dernier mot, je te laisse le mot de la fin si tu veux. Un grand plaisir de retrouver tout le monde sur scène dans les salles de spectacle partout. Mmh. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci Clément Joubert. Merci à vous. bonne répète, parce qu'il y a encore un peu de boulot, hein. Il reste un mois. Hein. C'est ça. Seulement un mois pour tout ce qu'on a à faire, alors on va bosser. 23, 25, 26 et 27 mars prochain, West Side Story, la Fabrique Opéra, Centre Val-de-Loire. N'hésitez pas à aller les voir sur scène. Et vraiment, merci du fond du cœur, Clément Joubert. Merci à vous. Salut. Radio Arc-en-Ciel avec le meilleur des souvenirs disco, bah oui, des années 80. Le son d'Abba avec Gimme, Gimme, belle journée, bon réveil, un grand merci à notre ami Clément Joubert qui a accepté cette invitation radio. On vous invite justement à aller aux Zénith d'Orléans le 23, 25, 26, 27. Et oui, ça va être très très bien. Si vous aimez l'opéra, bah ça tombe bien, nous aussi on adore. La météo qui arrive. La météo. La météo, aujourd'hui le ciel est pluvieux, nuageux, malheureusement des pluies sont prévues aujourd'hui. Et cet après-midi, les températures, 2 petits degrés le jour, on ne dépassera pas les 12. La bonne nouvelle, c'est que demain, le soleil devrait faire encore son apparition, ainsi que ce week-end, ça c'est la très très bonne nouvelle. Jeudi, ça va encore être nuageux et pluvieux, mais on est là pour vous donner le rayon du sol et du son qui arrive avec Badoxa contre la. Et puis on aura aussi Amine avec Senorita, belle journée et bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Non tenga miedo ni agarra, toque mi mi aperta, mi amasa, así no da to a gusta, no consigo mi controla, ten cuidado da mi cuya, no da mismo para parar, cata da mismo para controla, controla, yo voy controla, controla, yo voy controla, cata da mismo para controla. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. La kizomba le matin dans la voiture, peut-être sur la tangentielle, doucement, bon, c'est très facile quand même. Et bien, pour y aller avec du son caliente pour vous réveiller, 8h du mat bientôt, dans 10 minutes l'horoscope qui arrive, et puis le meilleur des souvenirs 1996 avec Ophélie. On l'a un peu oublié, mais bon, on l'aime bien. Voici Dieu m'a donné la foi. Belle journée, bon petit déj à vous. 96.2 FM avec Ophélie Winter. Fantôme de l'amour, ceux qui en a couronné passent par la sortie de secours. Plus ces mensonges qu'on m'a dit, ça m'a fait de la peine. Oh, je ne suis plus une enfant, j'en ai marre de faire semblant. Je ne veux plus jamais me défaire. J'en ai assez, je n'en veux plus, j'ai trop souffert. Dieu a exaucé le prière. J'ai dans le cœur parce qu'il dit de mes pas. Dieu est là en moi pour toi. C'est la lumière qui guide de mes pas. Dieu est là pour toi. C'est ça. C'est la lumière qui guide de musique 1996, Dieu m'a donné la foi. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Le Rayos del Sol del Matin. Voici le nouveau collectif métissé et la prise d'Elvis Crespo. Soirée mente. Belle journée, bon petit déj à tous et bonne douche. fait pour vous emmener à la porte du bureau ce matin. C'est le collectif Métissé, le nouvel album qui arrive au mois de juin. Soyez heureux ce matin. On est là pour vous donner le smile et la bonne humeur. Francky dans la radio, 7h-9h. Lazara, tu t'en iras. Même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans douter, même sans douter, je dirai que tu m'aimes pas, et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois, que j'aime être contre toi. Moi je m'en doutais. C'est Lazara et on adore sur la radio couleur. Tu t'en iras, mais pas tout de suite, on est là jusqu'à 9h. L'horoscope, c'est maintenant. Et avant de démarrer l'horoscope, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. On est le 22-02-2022. Écrivez-le sur une page, vous allez voir. 22-02-2022. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre comme journée. Et on démarre avec les béliers ce matin. Votre partenaire aura besoin de votre soutien aujourd'hui. Les taureaux, vous ne manquerez ni de vitalité ni de séduction, mais votre situation amoureuse peut devenir assez confuse. Les gémeaux, ceux d'entre vous qui sortent d'une période de remise en question vont retrouver leur équilibre. Les cancers, ne laissez pas planer le doute dans votre vie familiale. mal. Allez, foncez de l'avant. L'avenir est devant vous. Les lions, quelques soucis vous préoccupent aujourd'hui, mais rien de grave. La santé est là, est bien là. Les vierges, il y aura encore des distanciations entre votre partenaire aujourd'hui. Les balances, vous serez peut-être amené à dire des mots un peu trop insultants ce matin. Ouais, calmez-vous les balances. Hein. Et, je suis perturbé, c'est Clément Joubert qui m'a perturbé tout à l'heure. Et quand vous avez un chef d'orchestre dans les studios, je peux vous dire, ça rigole plus. Les scorpions, vous vous féliciterez d'avoir été patient ces derniers jours et cela est tout à votre honneur. Les sagittaires, aujourd'hui, les astres vous donneront un coup de pouce dans le secteur amoureux. Les capricornes, vous ressentirez le besoin de vous isoler, de rester chez vous. Vous n'avez nullement envie de voir du monde. Les verseaux, vous vous disputez avec votre partenaire ou un membre de votre famille. Calme, calme. Et enfin, les poissons, vous vivrez une journée sans histoire dans le secteur affectif. Rien ne devrait troubler votre bien-être aujourd'hui. Les démons de minuit, l'été 86, forcément, ça va rappeler le meilleur des souvenirs pour beaucoup. Voici Image avec Jean-Louis, Mario et maintenant Émile. Les démons de minuit. Insomnie 1986, forcément, ça vous rappelle de bons moments. Bah oui, ils sont restés 17 semaines au top 50, hein, c'était énorme quand même, hein, 17 semaines, ça fait du bien de les retrouver. Voici Purple Disco Machine et on adore Hypnotized.

Salut à Pascal qui vient d'arriver du côté d'Orléans, connecté dans la voiture. Il m'a dit merci pour Magic System. Non, c'est la reprise, hein. C'est Macassi. Bah, c'est pour rendre. Macassi, Magic System, c'est pareil, tout ça. On les aime bien, en tout cas, la radio, d'être là. Et puis, le meilleur des souvenirs tous les matins pour vous emmener au boulot avec les Roumains de Dragon Stand Day. Voici Ozone. Belle journée et bon réveil. 8h12. Avec Dragon Star Monday, les Roumains d'Ozone, ça passe, hein. Il y a combien? Il y a presque 20 ans, ça. Bah ouais, bah heureusement que ça passe le temps. En tout cas, on était heureux d'accueillir Clément Joubert, hein, le maestro, le chef d'orchestre ce matin. Vous allez pouvoir retrouver le podcast, l'enregistrement de l'interview tout à l'heure dans la journée. Merci à Florent Amigo pour tous les podcasts. Francky dans la radio, 7h, 9h, 8h16. Côté météo aujourd'hui, c'est pluvieux, nuageux. Quelques petits rayons de soleil, mais tout à l'heure, mais très timide, hein, un peu comme hier, vous voyez, hein, on prend les mêmes heures, commence. Direction l'île de la Réunion. Ah, là, oui, c'est beau en ce moment. Il fait même très, très beau. Je peux vous le dire. DJ Assad, Willy William, Alain Ramanissium, et un titre de 2012, comme quoi le passe-temps vite aujourd'hui, avec, du soleil, plein la tête, plein la vue, et l'y tourner, le remix de la radio arc-en-ciel. Bon réveil. ta tam tam, mettre la paillasse, ça va ça, ça va la la, la vina bla bla, boudi boudi, les bouts danser, dans tout côté, les bouts tournés. C'est les gros devant, c'est les gros derrière, les tournés, les tournés. Il met son corps devant, mais son corps derrière, les tournés, les tournés. C'est les gros devant, c'est les gros derrière, les tournés, les tournés. Il met son corps devant, mais son corps derrière, les tournés, les tournés. L'île de la Réunion, DJ Assad, Willy William, Alain Ramani, Sium, Litourné en 2012. Quel bon souvenir, plein de soleil pour vous emmener au boulot ce matin. Pas facile la reprise depuis lundi, c'est ce que me dit Steph. Et ouais, Francky, on est là avec toi, on t'écoute le matin à la radio. Et du soleil comme ça, moi, ça me donne la patate pour conduire mon camion. Salut à tous les chauffeurs-livreurs, on les salue au passage. Ouais, salut la famille des chauffeurs-livreurs. Bah, il en faut, hein. Si vous voulez votre colis dans la boîte à lettres en temps et en heure, ils sont là. Isabelle, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon petit déj. Meu amor.

giorno e invece di dormire con la memoria torna a un tuffo nei papaveri in una terra libera per chi respira nebbia, per chi respira rabbia. Toutes les Gloria aujourd'hui, mais bon, c'est pas la Saint Gloria, c'est la Saint Isabelle aujourd'hui. Une bonne fête à toutes les Isabelles si vous êtes de l'autre côté de la radio. Happy, happy, happy à vous, soyez heureux. 8h34 minutes, coucou à Seb qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-Larvel. Merci Francky d'être là avec le meilleur des souvenirs le matin. 1984, forcément, ça va pas vous rajeunir. Les Boys Stand Gang, Can't Take My Eyes. Oh, you, belle journée et bon réveil pour ceux qui viennent de se réveiller. To be true, can't take my eyes.